un doigt dans le jus. Mais ça n'est pas un doigt, mais ça n'est pas un cul. Ce sont les atomes crochés. Ce sont les atomes crochés. J'ai trois pattes pour le feu. Et engendra la paix. Trois boules, trois feux, trois pattes, sans bien. Trop vécu. Je suis venu.